La maison d'édition équatorienne Santa Rita a fait paraître en brochure l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, Accélérons la victoire finale par l'offensive idéologique révolutionnaire.